الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue dans notre cours le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. Le cours aujourd'hui c'est le cours numéro 125 et on est proche de la fin. Donc on est à la page aujourd'hui 865. Donc 865. Si vous voulez que je vous mentionne quelques points qui vont être mentionnés dans les cours qui arrivent. Inna burda jins al-arab mu'adatuhum wa inna burda jins al-arab wa mu'adatihim kufrun. عمر كتب الناس على قدر أنسابهم في ديوان العطاء صفة العرب في الجاهلية. نعم. Donc il y a plusieurs points, on va rentrer dans ces points là inshallah. Le cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, il a mentionné, donc il a lu maintenant une longue partie du livre, peut-être donc 1 2 3 4 5. Il a lu 5 pages sans faire de commentaire. Ça veut dire qu'il a juste lu le texte. Puis à la fin, il a fait un commentaire sur ces 5 pages-là. Un petit commentaire résumé. Et puis, ensuite, il a commenté sur les autres pages par la suite avec des commentaires un peu plus détaillés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ces pages, puis on va traduire seulement le commentaire. Je pense que ça va être plus bénéfique, inshallah, si on fait ça comme ça. Le Cheikh dit « وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ بُغْدْ جِنْسَ الْعَرَبِ » Donc, ça, c'est les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit « وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ بُغْدْ جِنْسَ الْعَرَبِ وَمُعَادَاتِهِمْ كُفْرٌ أَوْ سَبَبٌ لِلْكُفْرِ ومقتضاه أنهم أفضل من غيرهم وأن محبتهم سبب قوة الإيمان، لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف لم يكن ذلك سببا لفراق الدين ولا لبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يكون نوع عدوان، فلما جعله سببا لفراق الدين وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم، وذلك دليل على أنهم أفضل، لأن الحب والبغض يتبع الفضل، فمن كان بغضه أعظم دل على أنه أفضل، ودل حينئذ على أن محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضل، ولأن ذلك ضد البغض، ومن كان بغضه سببا للعذاب لخصوصه كان حبه سببا للثواب، وذلك دليل على الفضل، وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث آخر رواه أبو طاهر السلفي في فضل العرب من حديث أبي بكر ابن أبي داود، حدثنا عيسى بن حماد زغبة، حدثنا علي بن الحسن الشامي، حدثنا خليد بن دعلج عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما من الكفر، وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. وقد احتج حرب الكرماني على وغيره بهذا الحديث وذكروا لفظة حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر، وهذا الإسناد وحده فيه نظر، ولكن لعله روي من وجه آخر، وإنما كتبته لموافقته معنى حديث سلمان، فإنه قد صرح في حديث سلمان بأن بغضهم نوع كفر، ومقتضى ذلك أن حبهم نوع إيمان، فكان هذا موافقا له، ولذلك قد رويت أحاديث النكرة ظاهرة عليها مثل ما رواه الترمذي من حديث حسين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق، وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القوي. قلت هذا الحديث معناه قريب من حديث سلمان، فإن الغش للنوع يكون مع محب لا يكون مع محبتهم، بل لا يكون إلا مع استخفاف بهم أو مع بغض لهم، فليس معناه بعيدا. لكن حسين هذا الذي رواه قد أنكر أكثر الحفاظ أحاديثه، قال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال ابن المديني ليس بالقوي، وروى عن مخارق بن طارق أحاديث منكرة، وقال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث، وقال يعقوب بن شيبة ضعيف جدا، ومنهم من يجاوز به الضعف إلى الكذب. قال ابن عدي عامة أحاديثه معاضيل ينفرد عن كل من روى عنه. قلت ولذلك لم يحدث أحمد ابنه عبد الله بهذا الحديث في الحديث المسند، فإنه قد كتبه عن محمد ابن بشر عن عبد الله ابن الأسود عن حسين كما رواه الترمذي، فلم يحدثه به وإنما رواه عبد الله عنه في المسند وجدت في كتاب أبي، يعني يقصد الإمام أحمد، حدثنا محمد بن بشر وذكره. وكان أحمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع لم يحدث به، ولذلك ضرب على أحاديث رجال فلم يحدث بهذا في المسند، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وكذلك روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه حدثنا إسماعيل أبو معمر حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن عبيد بن أبي نافع عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض العرب إلا منافق. وزيد بن جبيرة أو ابن جبيرة أو جبيرة عندهم منكر الحديث وهو مدني، ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطربة. وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا يحيى بن زيد الأشعري حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. قال الحافظ السلفي هذا حديث حسن، فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين أو حسن متنه على الاصطلاح العام وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات وقال الثعلبي لا أصل له، وقال ابن حبان يحيى بن زيد يروي المقلوبات على الإثبات، فبطل الاحتجاج به والله أعلم. وأيضا في المسألة ما روى أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد الجبار بن العباس، وكان رجلا من أهل الكوفة يميل إلى الشيعة، وهو صحيح الحديث مستقيمه. وهذا والله أعلم كلام البزار عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج قال: قال سلمان: نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، فلا ننكح نساءكم ولا نأمكم في الصلاة. وهذا إسناد جيد، وهو أبو أحمد هو والله أعلم محمد ابن عبد الله الزبيري، من أعيان العلماء الثقات، وقد أثنى على شيخه والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من يثني عليهما. وأوس ابن ضمعج ثقة روى له مسلم. وقد أخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب، فإما إنشاء وإخبار، وإما إخبار. فإنشاؤه صلى الله عليه وسلم حكم لازم، وخبره حديث صادق، وتمام الحديث قد روي عن سلمان من غير هذا الوجه. رواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان الفارسي أنه قال: فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتين، لا نأمكم في الصلاة ولا ننكح نساءكم. رواه محمد ابن أبي عمر العدني وسعيد بن منصور في سننه وغيرهما. وهذا ما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها. واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة. ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني: حدثنا سعيد بن عبيد، أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن نضلة أنه خرج في 12 راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم، وفيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهم في سفر، فحضرت الصلاة، فتدافع القوم أيهم يصلي بهم، فصلى بهم رجل منهم أربعا، فلما انصرف قال سلمان: ما هذا مرارا، نصف المربوعة. قال مروان: يعني نصف الأربع، نحن إلى التخفيف أفقر. فقال له القوم: صلي بنا يا أبا عبد الله، أنت أحقنا بذلك. فقال: لا، أنتم أبو إسماعيل، أنتم بنو إسماعيل الأئمة، ونحن الوزراء. وفي المسألة آثار غير ما ذكرته، وفي بعضها نظر وبعضها موضوع. Donc, tout ça, ce que j'ai lu maintenant, ces différentes narrations, certaines d'entre elles, elles sont faibles, d'autres sont, certaines d'entre elles, les ulama ont dit qu'elles sont fabriquées. Et le sujet, en fait, de quoi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est en train d'expliquer, c'est par rapport au mérite des Arabes et à leur préférence, le fait qu'ils ont... Yani, cet aspect de privilège ou de supériorité du fait qu'ils sont yani, des Arabes. Et on a parlé de ça déjà dans les cours précédents. Maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan, puis on va traduire l'explication directement. Comme ça, ce sera plus clair et plus simple, au lieu de traduire plein de hadiths, et surtout que Ibn Taymiyyah, il rentre dans l'isnad et il mentionne les narrateurs du hadith, et que certains d'entre eux sont faibles, certains d'entre eux sont y a d'autres choses. Donc tout ça, c'est des détails, c'est pas nécessaire de les traduire, puisqu'il n'y a pas vraiment un grand bienfait pour nous de rentrer dans les traductions de ces détails là. Donc l'important c'est la compréhension du sujet. D'accord? Donc, Cheikh Al-Fawzan dit: هذه الأحاديث تدل على أن جنس العرب أفضل من غيرهم من الأمم. لأن سلمان رضي الله عنه لما طلب منه أن يصلي بمرافقيه من العرب قال: لا أنتم بنو إسماعيل. دلالة على أفضليتهم. وبنو إسماعيل هم العرب، لأن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. فدل فعله على أن العرب يقدمون في إمامة الصلاة وفي غيرها لفضلهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، والقرآن نزل بلغتهم، وهم مكلفون بحمل هذا الدين وتبليغه للبشرية، وقد اختارهم الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر العظيم دون سواهم. Donc le cheikh explique que les hadiths qu'on a mentionnés dans cette partie du livre explique la préférence des Arabes sur les autres peuples. Et que Salman, lorsqu'on lui a demandé par exemple de diriger la prière, alors qu'il était en compagnie de d'autres parmi les compagnons qui sont des Arabes, il leur a dit: non, vous êtes les fils d'Ismaïl, hein, en voulant dire vous êtes, hein, vous avez cette préférence là, vous êtes préférés du sens que vous êtes des fils d'Ismaïl, et les fils d'Ismaïl ce sont les Arabes. Donc le cheikh il a dit donc que Salman al-Farisi radiyallahu anhu, il a dit yani, vous êtes les fils d'Ismaïl, et les fils d'Ismaïl donc ils ont ce privilège, cette préférence du fait qu'ils sont des descendants d'Ismaïl. Et il dit donc les enfants d'Ismaïl sont les fils de Ibrahim, parce que Ibrahim c'est le père d'Ismaïl alayhi salam. Et donc ça c'est la preuve que les Arabes ont précédence dans la direction, dans la dirigeance de la prière, dans le fait de diriger la salat. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie d'eux, puisqu'il fait partie des Arabes, et le Coran a été révélé dans leur langue, et ils ont la responsabilité de porter cette religion et de la transmettre au reste de l'humanité. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour cette tâche immense en dehors des autres parmi les hommes. Donc étant donné que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu parmi eux en premier, et qu'il faisait partie des Arabes lui aussi. Non, c'est ça. Et il est perse. Ou farisi. Falihada, yani, c'est pour cette raison-là qu'il leur a dit, non, vous êtes les fils d'Ismaïl, vous dirigez la prière. Et le cheikh, il lui dit, ولكن كما سبق في هذا, hein, كما سبق هذا من باب الاعتراف بنعمة الله, hein. هذا من باب الاعتراف بنعمة الله لا من باب المفاخرة فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر فإنما ذكر ذلك من باب شكر الله سبحانه وتعالى والتحدث بنعمته فلا يجوز لأحد أن يفخر على أحد وعليكم السلام ورحمة الله قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالله جعلهم شعوبا وقبائل والشعوب للعجم والقبائل للعرب جعلهم كذلك لأجل التعارف والتواصل فيما بينهم أما الكرم فإنما يكون في التقوى سواء كان من العرب أو من العجم قال الله سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم إن التفاخر بالأنساب من أمور الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. Donc le cheikh il explique que, comme on a expliqué, quand on parle de la préférence des Arabes et du fait qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est pas dans le but de la fierté, hein, et de se montrer fier de ça, mais c'est plutôt dans le fait de vouloir reconnaître, hein, d'être reconnaissant vis-à-vis des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, Ana sayyidu waladi Adam, wala fakhr. Je suis le chef des fils d'Adam au jour de la résurrection. Alaykum salam wa rahmatullah. Et il n'y a pas de fierté. Pas de fierté là-dedans. Et ça, c'est rapporté par l'imam muslim, selon Abu Huraira, radiallahu anhu. Le shaykh, il explique que c'est uniquement, donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, je suis le chef des fils d'Adam au jour de la résurrection, ça, et il n'y a pas de fierté, hein, dans le sens que c'est pas pour se vanter. Je dis pas ça pour me vanter, c'est la réalité, hein. Je mentionne ça dans le but de mentionner, yani la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour me vanter, hein. Donc, je suis le chef des fils d'Adam au jour de la résurrection et il n'y a pas de vantardise. C'est ça que ça veut dire. La fakhr, ça veut dire il n'y a pas de vantardise. Et donc le cheikh il dit, il n'est pas permis à quiconque d'être vantard, hein, et de se vanter, hein, et de se penser meilleur que les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, surat al-Hujurat, verset 13, « Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous puissiez vous connaître les uns les autres. Et le plus noble d'entre vous est le plus pieux, c'est-à-dire celui qui a le plus de taqwa, c'est lui le plus noble pour Allah. Et le shaykh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donc fait en peuple et en tribu. Et les peuples, c'est les noms arabes, et les tribus, c'est pour les arabes. Et il a fait des hommes de cette façon pour qu'ils puissent se connaître les uns les autres et apprendre à communiquer les uns les autres. Hein? Pas pour se rabaisser les uns les autres ou se dénigrer les uns les autres ou ni se penser meilleurs les uns que les autres. Et il dit, tandis que la noblesse, hein, la noblesse d'un peuple, c'est uniquement par rapport à la piété. Il faut débarrer la porte de l'intérieur. Naam. Donc la noblesse, c'est uniquement par rapport à la taqwa, la piété. Peu importe que quelqu'un fasse partie des Arabes ou des non-Arabes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous pour Allah, c'est le plus pieux, celui qui a plus de taqwa. Donc, la vantardise et le fait de se vanter de nos lignées ou de nos liens de parenté ou de nos origines, tout ça, le cheikh dit, ça fait partie des choses de la pré-islam, de la jahiliya, que l'islam est venu interdire. Donc, de se penser bon, de se penser meilleur, de se vanter de son origine ou de sa généalogie, de penser qu'on est supérieur aux autres à cause de ça, ça c'est quelque chose que l'islam a interdit. Et le cheikh il dit ensuite, wa fi athar Salman hadha an al awla bil musafir an yaqsur as salat al ruba'iyya akhdhan bi rukhsat Allah subhanahu wa ta'ala wa amalan bi qawlihi ta'ala وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَلَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي أَسْفَارِهِ مِنْ خُرُوجِهِ مِنَ الْبَلَدِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ الرباعية بل إنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ولذلك أنكر سلمان عليه السلام على هذا الذي صلى بهم وأتم الصلاة رباعية أو أربعا ومن سنته أن الذي يقصر لا يصلي سنن الرواتب التي مع الفرائض إلا راتبة الفجر أما بقية النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل والوتر فإنه يفعلها ولا يتركها. Donc le cheikh il explique que dans la narration de Salman al-Farisi, on voit la preuve qu'il est préférable pour le voyageur de raccourcir sa prière, c'est-à-dire les prières de 4 rakat. C'est préférable de les raccourcir en prenant la permission que Allah nous a donnée de prier les prières de 4 rakat, de les faire 2 au lieu de faire 4. Et le Cheikh, il mentionne, comme c'est mentionné dans Sourate An-Nisa, le verset 101, hein, que lorsque vous partez en voyage sur la terre, il n'y a pas de péché pour vous, ou il n'y a pas de mal pour vous, de raccourcir vos prières. Hein, « Antaqsuru minas salati » le verset 101 dans Sourate An-Nisa. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en voyage, hein, depuis le moment qu'il quittait la ville jusqu'à ce qu'il revienne, eh bien, il raccourcissait ses prières, sallallahu alayhi wa sallam. Et on n'a pas rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a complété ou fait les prières de 4 rakat complètes. Hein? Il les faisait toujours 2. Et même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, comme c'est rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad, selon Ibn Umar, radiallahu anhuma, que Allah aime qu'on prenne ses permissions, tout comme il n'aime pas qu'on fasse un péché ou qu'on lui désobéisse. C'est-à-dire, de la même manière qu'il n'aime pas qu'on lui désobéisse, il aime qu'on prenne les permissions qu'il nous a données lorsqu'il y a une permission spéciale dans la charia pour alléger la religion ou simplifier la religion pour nous. Allah aime qu'on prenne cette permission-là. Donc, non. Non. هذه المسألة حقيقة فيها خلاف كبير بين العلماء ويعني لا يوجد نص صريح واضح يعني يقطع المسألة إلا أن بعض العلماء قالوا أن في هذه المسألة ما دام أنه لا يوجد دليل صريح فيؤخذ بالعرف في هذا ويقصدون بذلك أن يعني ما دام أن الشخص يسمى مسافرا في العرف ويعرف عنه أنه مسافر فحينئذ يجوز له أن يقصر من الصلاة يعني يقصر صلاته إلى أن يرجع إلى بلده إلا إذا صلى في المسجد مع الإمام فيتم صلاته لأنه يصلي خلف الإمام المقيم فعندما يكون الإمام مقيم فيتم صلاته لأنه يصلي خلفه ولكن عندما مثلا يكون في بيته أو في فندق أو في مكان آخر يعني وهو مثلا يصلي في غير المسجد حينئذ يقصر الصلاة ويصلي ركعتين بدلا من 4 ركعات للظهر والعصر والعشاء نعم ولكن كما ذكرت هناك أقوال مختلفة عند الأئمة مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بأن الذي يقيم يعني 4 أيام في مكان يعني يتم صلاته يصلي كأنه مقيم هكذا يقول شيخ بن باز ولكن شيخ هناك علماء آخرين أخذوا بأقوال أخرى ومختلفة وكل يأتي بأدلته ولكن الذي اطمأنت إليه أنا والذي أرتاح إليه هو أن ما دام الشخص يعتبر نفسه مسافرا يعني فيعني يقصر من صلاته يعني وإن جلس يعني أسبوعين أو 3 يعني والله تعالى أعلم أي نعم. Donc la question c'était par rapport à la salat et la durée de temps. Quand est-ce qu'on continue à raccourcir la salat? Et justement par rapport à cette question-là, dans le livre qu'on a fait à la mosquée Farouk, il y a pas longtemps, on a parlé des règles par rapport aux voyageurs. Puis quand on était arrivé à la question justement on a parlé du voyage et le cheikh il explique par rapport à ça. المسافر في سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها ولو أقام في البلد التي سافر إليها مدة فهو على سفر ما دام على نية أنه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه الذي سافر إليها من أجله فيترخص برخص السفر ولو طالت مدة إقامته لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة ينقطع بها السفر والأصل بقاء السفر وثبوت أحكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه هذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة يعني il y a des narrations qui mentionnent que certains parmi les Sahaba quand ils sont partis en voyage par exemple ils ont continué à raccourcir la prière pendant même 120 jours mais la raison pourquoi c'est certains ulama ils ont mentionné que c'est parce que eux ils étaient partis quelque part et ils ont été bloqués par la neige et ils pouvaient plus continuer leur chemin donc ils attendaient yani que la neige fonde pour pouvoir traverser et yani lorsque la neige est fondue eh bien ils ont traversé et pendant tout ce temps-là ils ont raccourci leur prière tu vois parce que leur intention c'était pas de rester à cet endroit-là mais c'était de continuer de voyager donc c'est pour cette raison qu'il y a divergence entre les ulama sur cette question-là et c'est pour ça que le plus clair moi j'ai lu beaucoup sur ce sujet parce que j'essaie de comprendre bien étant donné que je voyageais beaucoup j'essaie vraiment de bien comprendre le sujet comme il faut pour essayer de savoir des preuves convaincantes et claires sur la question mais tout ce que j'ai trouvé comme à la fin pour me convaincre c'est finalement de se référer à qu'est-ce qui est coutumier par rapport à la définition d'un voyageur et du voyage parce que les ulama c'est ce qu'ils disent c'est que lorsqu'il n'y a pas un dalil explicite dans la charia pour définir une durée de temps ou quelque chose comme ça que dans ce cas-là on doit se référer à la coutume hein, à l'urf d'accord et donc ici dans ce cas-là c'est dans ce sens-là yani. Wallahu ta'ala a'lam donc pour revenir au point où on en était donc Salman radiyallahu anhu il dit ici que lorsque Salman a vu qu'il a prié avec eux, il a vu qu'eux ils ont complété 4 rak'at. Alors lui il leur a dit yani, pourquoi vous avez fait ça? Il faut prier rak'atain parce qu'on est en voyage. Et aussi le cheikh explique que lorsqu'on prie les prières en voyage, on raccourcit les prières de 4 rak'at, on les fait 2 rak'at. Il a dit que dans ce cas-là, les rawatib, on va pas les faire. La yusalli sunan al-rawatib, allati hiya ma'a al-fara'id. Donc, on va pas faire les prières surérogatoires établies avant ou après les prières obligatoires, excepté celles de Fajr et le witr. Tandis que les nawafil autres, en dehors de celles-là, comme Salat al-Duha et Qiyam al-Layl ou al-Witr, فَإِنَّهُ يَفْعَلُهَا celles-là, tu peux les faire, si t'as l'habitude de la faire. Mais les rawatib, avant et après, en voyage, tu les fais pas. Parce que c'est le but de raccourcir la prière, c'est pour faciliter, alléger la religion. Mais si tu fais les rawatib, c'est comme si tu avais fait plus hein, que qu'est-ce qui est permis ou qu'est-ce qui a été c'est comme si t'as pas profité de cette permission complètement. Après le cheikh il dit wa qawluhu wa fil mas'alati athar ghayr ma dhakartuhu. Al athar jam'u athar وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يطلق على ما روي عن غيره من العلماء والسلف الصالح فالمسألة فيها آثار يعني في فضل العرب على غيرهم ولكن هذه الآثار متفاوتة متفاوتة، منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو صحيح. فهذه الآثار نظرا لكثرتها فإنها تتعاضد لتدل على الأصل، وهو فضل جنس العرب على غيرهم، وهذا من حيث الجنس. أما من حيث الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من كثير من العرب. Donc le cheikh il dit que la question ensuite sur ce, Ibn Taymiyyah a dit sur cette question, c'est-à-dire la préférence des Arabes et le fait qu'ils ont précédence ou préférence sur les autres peuples, il dit que à propos de cette question-là, il y a d'autres narrations que celles que j'ai mentionnées. Ibn Taymiyyah a dit ça. Il y a d'autres narrations que celles que j'ai mentionnées. Et Cheikh Al-Fawzan explique que le terme athar, c'est le pluriel de athar. Et athar, ça peut être utilisé pour désigner les narrations, les narrations qui sont transmises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut également l'utiliser pour désigner les paroles ou les citations des ulama et des salaf al-salih, comme les sahaba, les tabi'in. On appelle leur narration athar aussi. D'accord? Donc athar, c'est un terme général ou large qui désigne les narrations, soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des salaf al-salih, parmi les salaf, les sahaba, les tabi'in, et les grands ulama. Il dit que donc Ibn Taymiyyah est en train d'expliquer que en ce qui concerne le sujet de l'excellence des Arabes et de leur préférence et de leur précédence, il y a divergence, plutôt il y a différentes narrations, mais ces narrations là ne sont pas toutes au même niveau dans leur authenticité, c'est à dire que certaines d'entre ces narrations là sont faibles, d'autres sont fabriquées, sont fausses, d'autres sont bonnes, c'est-à-dire Hassan, un degré en dessous de ce qui est authentique, et il y a le qu'est-ce qui est sahih, qu'est-ce qui est authentique. Donc, il dit, étant donné qu'il y a une grande quantité de ces narrations, et que yani, il y en a de différents degrés d'authenticité, le fait qu'il y en ait beaucoup, c'est comme si elles s'appuyaient toutes les unes les autres. Hein? Et donc, c'est pour indiquer que la base, qui est le fait que les Arabes ont précédence et ont préférence sur les autres, est un principe qui est établi. Hein? Et ça, c'est en ce qui concerne l'ethnie des Arabes en général. Et on ne parle pas donc des individus à ce point-là. Parce qu'il dit que les individus, si on parle des individus, il est possible qu'il y ait des non-arabes qui soient meilleurs que plusieurs d'entre les arabes. Donc, on parle de cette préférence et de cette excellence sur le plan général et non pas sur le plan individuel. Ensuite, le cheikh, il explique, et il y a d'autres, une autre partie des paroles de Ibn Taymiyyah, il dit « وَأَيْضًا » فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب أسماء كتب الناس على قدر أنسابهم فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضت العرب ذكر العجم وهكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية و وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. Donc Ibn Taymiyyah il explique que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il a établi son diwan, diwan c'est quoi? C'est un livre dans lequel il a écrit la façon dont il gère l'État, hein, et les noms des gens par exemple qui travaillent dans l'État et qui reçoivent par exemple un salaire ou quelque chose comme ça, hein, qui sont compensés pour qu'est-ce qu'ils font comme travail, ou bien ceux qui partent au combat et qui font partie de l'armée. Je pense que dans ce livre-là, il notait toutes les affaires qui ont rapport avec la gestion de l'État et de l'organisation de l'État. Donc, qu'est-ce qu'il a appelé Diwan en arabe. Et aussi les gens à qui il donnait de l'argent. Donc, Diwan ou l'Ata. Et il écrivait les noms des personnes dans ce livre selon leur lien de parenté et par rapport à leur proximité avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il commençait par les noms des personnes les plus proches du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puis après il descendait jusqu'à ce que, lorsqu'il avait fini avec les Arabes, après il mentionnait ensuite les noms arabes. Et donc il dit, ce diwan, il était de cette manière pendant toute la période des Khulafa al-Rashidin. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum. Il dit, ainsi que les autres Khulafa, parmi la dynastie de Bani Umayya, hein, et les fils de l'Abbas, c'est-à-dire l'Abbasiyya par la suite. Jusqu'à ce que les affaires changent par la suite. Donc les choses, après cela, les choses ont changé. Il dit, et la cause de cette excellence ou de cette préférence, pourquoi ils ont mis les Arabes en premier, et de cette manière, il dit c'est à cause de ce qu'ils avaient comme particularité par rapport à leur intelligence et par rapport à leur langage, par rapport à leur comportement et par rapport à leurs œuvres, leur travail. Et donc, il dit que le mérite ou l'excellence est soit par la science bénéfique ou soit par les bonnes œuvres. Là, il va expliquer ce qui a rapport avec la science. Donc, il dit وَالْعِلْمُ لَهُ مَبْدَأٌ وَهُوَ قُوَّةُ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ الْفَهْمُ وَالْحِفْظُ وَلَهُ تَمَامٌ وَهُوَ قُوَّةُ الْمَنْطِقِ الَّذِي هُوَ الْبَيَانُ وَالْعِبَارَةُ وَالْعَرَبُ هُمْ أَفْهَمُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَحْفَظُ وَأَقْدَرُ عَلَى الْبَيَانِ وَالْعِبَارَةِ وَلِسَانُهُمْ أَتَمُّ الْأَلْسِنَةِ بَيَانًا وَتَمْيِيزًا لِلْمَعَانِي جَمْعًا وَفَرْقًا يَجْمَعُ الْمَعَانِي الْكَثِيرَةَ فِي اللَّفْظِ الْقَلِيلِ إذا شاء المتكلم الجمع جمع ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر كما نجده في لغتهم من جنس الحيوان فإنهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي الذي لا يستراب فيها. يعني ابن تيمية il explique ensuite, donc il parle de la science. Il dit que la science, elle a un principe à la base qui est la force de l'intelligence de la personne, c'est-à-dire la compréhension et la mémorisation. Et il y a, qu'est-ce qui vient compléter ça avec la force de la logique ou du raisonnement et de l'expression et de la façon de s'exprimer. Il dit les Arabes ont plus de compréhension que les autres par rapport à ça, et ils mémorisent plus. Et ils ont une plus grande capacité d'expression à cause de leur langue, puisque leur langue est les plus fortes et plus complètes, et elle a une plus grande facilité d'expliquer et de distinguer entre les significations des choses, soit de façon à les rassembler ou à les séparer. Et il donne, le fait qu'en arabe, on peut réunir plusieurs significations en peu de mots. Et d'ici une personne, par exemple, qui parle, elle veut réunir des significations, elle peut les réunir. Si elle veut les séparer et les distinguer, hein, elle peut distinguer chaque chose, chaque deux choses, hein, d'une autre par des mots qui les distinguent et qui sont résumés. Et il dit, de la même manière que tu trouves ça, par exemple, dans leur langue par rapport aux animaux, le nom des animaux. Hein, dans la langue arabe, il y a plusieurs mots qui peuvent être utilisés pour désigner le même animal, par exemple. Ou bien, des choses qui sont communes entre différents animaux, hein, on peut trouver des descriptions pour exprimer ces caractéristiques-là. Hein? Et donc, ils disent, on peut les distinguer en différentes sortes. Par exemple, il y a des noms ou des mots pour chaque chose et pour distinguer chaque bruit d'oiseau ou les enfants ou le lieu où ils habitent, hein, ou, et ainsi de suite. Donc, la langue arabe, elle a des particularités de cette façon. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas étonnant. Et il y a des livres qui ont été écrits par les ulama pour clarifier et expliquer ces exemples-là, comme Fiqh al-Lugha, hein, Fiqh al-Lugha, et d'autres livres aussi, qui mentionnent plein de choses comme ça, comment la langue arabe, elle est étonnante sur ces questions-là. Mais à notre époque, beaucoup d'Arabes ne connaissent plus même leur langue réellement. C'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas savoir de ces exemples-là. Mais peut-être que, allez, on va lire qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan va mentionner à ce sujet-là. Bien entendu, Cheikh Al-Fawzan, il donne pas de détails plus approfondis sur ce sujet. Mais sinon, il y a des savants de la langue arabe qui sont, très forts dans ces questions-là. Ils savent comment expliquer ces choses-là plus en détail. Et il y a le cheikh, comment il s'appelle, pas le cheikh Sibawi, quelqu'un qui est vivant à notre époque, un cheikh qui est à Médine, je le connais, cheikh Abdurrahman, cheikh Abdurrahman, comment il s'appelle, hein, non, cheikh Abdurrahman, il s'appelle Abdurrahman, en tout cas j'ai oublié son nom, en tout cas non, cheikh Abdurrahman, Abdurrahman, il est à la base, il vient du Burkina. Ouais, c'est un cheikh de l'Afrique de l'Ouest, mais il a étudié à Médine pendant très longtemps. Et il était l'élève de plusieurs d'entre les grands mashaykhs qui viennent de Shanqit. Shanaqita. Donc il a étudié avec tous les grands chouyoukhs de la langue arabe de la Mauritanie à l'origine. Et les Mauritaniens, hein, les chouyoukhs de Shenqit sont très forts en arabe. C'est connu, leur niveau en arabe. Il a étudié avec plusieurs d'entre ces ulama-là. Et donc, il a, en plus d'avoir étudié à la Jami'a, c'est un docteur en langue arabe. Donc, il est vraiment fort. C'est, le nom du cheikh, il est au bout de la langue. Tu vois? Oui, mais ça c'est. Oui, Al-Ajurum. Oui, ça c'est connu. Mais ça c'est des anciens, là. C'est des classiques, comme on dit, là. Hein? Al-Ajurumi. Ça c'est lui qui a écrit Al-Ajurumi. Mais moi je parle d'un cheikh qui est vivant maintenant. Oui, qui est contemporain. En tout cas. Allah Mustanji. Ah, il s'appelle Abdurrahman Kouni. Abdurrahman Kouni. C'est un mal. Kouni, oui, c'est pour ça. Donc, ce cheikh, il pourrait nous expliquer ces exemples-là, il pourrait nous donner plein d'exemples là-dessus, inshallah. Bon, cheikh Al-Fawzan, il dit يعني أن فعل عمر حيث بدأ بجنس العرب يدل على فضل العرب على العجم ثم إن العرب يتفضلون فمن كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وهذا من باب تنزيل الناس منازلهم ثم مضى الأمر على السنة التي مشى عليها عمر رضي الله عنه في تقديم العرب على العجم وتقديم أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم على غيرهم إنزالا للناس منازلهم واستمر هذا الأمر في عهد الخلفاء الراشدين ثم في دولة بني أمية ثم دولة بني العباس إلى أن سقطت الدولة العباسية. وحينئذ خرج الأمر عن سيطرة سلطان سلطة العرب في الغالب، فلذلك اختلف الأمر. وقوله وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم، يعني أن سبب تفضيل العرب على غيرهم ليس لمجرد نسبهم وعرقهم، وإنما لما يمتازون به من الصفات الحميدة التي لا تجحد ولا تنكر. فالعرب لهم صفات حميدة من الكرم والجود وحفظ الأنساب والأمانة، إضافة إلى ما أوتوا من الفصاحة والبلاغة في القول. وقوله والعلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم، المقصود أن العلم له ميزة، ميزة ورتبة عالية. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والعرب قد أعطوا قوة العقل، فهم أكثر الناس فهما وحفظا وأعظمهم بيانا وعبارة، ولذلك أنزل الله القرآن بلغتهم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فهم أجدر الناس بحمل الإسلام وأن ينالوا فضله على غيرهم. قوله والعرب هم أفهم من غيرهم وأحفظ وأقدر على البيان، يعني أن العرب امتازوا على غيرهم بالفهم وقوة الذاكرة والفطنة، وهذا شيء واضح إذا نظرت إلى أشعارهم وخطبهم ومروياتهم، ها؟ وما خلفوه من الآداب والثروة اللغوية والأدبية، وما استوعبوه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما. ومما سهل هذا فرط ذكائهم وفطنتهم وفصاحة هذه اللغة وزجالته واستيعابها للمعاني وقدرتها على التعبير. فإنك إذ إن نظرت في معاجم اللغة رأيت العجب، ها؟ لما لهذه اللغة من شمول وإحاطة، وهذا لا تجده في اللغات الأخرى. فيجب على الشعوب التي تدخل في الإسلام من غير العرب تعلم اللغة العربية ليفهموا القرآن والسنة كما حصل من المسلمين السابقين، لا أن تترجم المعاني إلى اللغة الأجنبية. لا إله إلا الله، كما هو الواقع الآن، لأن هذا قضاء على اللغة العربية، نسأل الله العافية. نعم، سبحان الله. Donc le cheikh il explique, il dit, pour résumer tout ce que le cheikh a dit par rapport à ce qu'on a déjà traduit des paroles d'Ibn Taymiyyah, il explique donc pourquoi Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu il a écrit dans le Diwan, en commençant par les noms des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ensuite il a mentionné les arabes, il commence par les arabes, puis après les noms arabes. Il dit tout ça c'est parce que les arabes ils ont un mérite, une excellence, une précédence, une préférence. Et aussi bien entendu ceux qui sont les proches du messager sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une précédence aussi, et c'est pour donner à chacun sa place, la place qui lui revient. Et on a expliqué également que cet exemple là elle a continué à de cette manière, c'est à dire de la façon que Omar radiallahu anhu les avait établis, et ça a duré comme ça pendant يعني, toute la période des Khulafa al-Rashidin et de l'Umawiyya ou l'Abbasiyya, jusqu'à la chute de l'Empire al-Abbasiyya, hein, l'Empire Abbaside comme ils disent en français. Et il dit à ce moment-là les choses ont commencé à sortir du contrôle des Arabes en grande partie, c'est-à-dire il y a eu des noms arabes par la suite qui ont commencé à diriger différentes parties de la Umma, et donc les choses ont commencé à changer à cause de ça. Le cheikh il explique ensuite, il dit donc la raison pour laquelle ils ont cette précédence-là ou cette préférence-là, on a dit c'est soit à cause de la science ou à cause des œuvres. Et là, il explique par rapport à ce qui concerne la science, et il explique que il y a un livre déjà, le fait qu'on donne précédence et préférence aux Arabes sur les autres, à cause justement de leur origine, du fait qu'ils sont des descendants de Ismaïl, des descendants de Ibrahim alayhi salam, ils ont donc ces caractéristiques louables qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas rejeter. Et il dit que les Arabes ont également parmi les caractéristiques de la générosité, yani, et du fait qu'ils préservent leurs liens de parenté, et qu'ils ont comme caractéristique aussi al-amana. Et des fois on se dit, bon, peut-être que le cheikh il parle des arabes, c'est-à-dire les vrais arabes, pas les comme les, des fois les gens aujourd'hui ils sont arabes mais ils ont perdu parfois certaines caractéristiques des arabes, c'est-à-dire que il y a certains arabes qui sont plus maintenant plus proches des occidentaux que de la mentalité occidentale que de la mentalité traditionnelle arabe, comment les arabes étaient avant. Non, mais c'est-à-dire que ces choses-là, c'est des réalités dans le sens que, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont connues. Et même Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il le dit de façon générale, sans spécifier une époque par rapport à une autre. Mais n'empêche que c'est vrai que quand on regarde, par exemple, de façon générale, beaucoup de pays arabes aujourd'hui, surtout par exemple ceux qui sont plus proches des pays occidentaux, ils ont eu beaucoup d'influence de l'extérieur qui fait que beaucoup d'entre eux, ils ont perdu beaucoup de leurs traditions. Ceux qui sont plus éloignés, et ils ont gardé plus de leurs traditions, et c'est ça qui fait que tu vois ça en eux. Et le cheikh, il dit donc qu'ils ont ça, les Arabes, ces caractéristiques-là de générosité, de noblesse, ils gardent les liens de parenté. Ils ont cette honnêteté en eux, hein. Et le cheikh, il dit, ils ont aussi comme caractéristique l'éloquence, la rhétorique. Il y a tous ces exemples-là qui font partie même de leur langage. Et le cheikh, il dit donc qu'à la base, la science, c'est basé sur la force de l'intelligence et de la compréhension. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à la science une grande importance. Quand il dit dans le verset 11 dans Sourate Al-Mujadala, Allah a élevé ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu la science en degré. Et dans le verset 9 dans Sourate Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, dit au Muhammad, est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ensuite le cheikh il explique que les Arabes donc ils ont reçu une force. Allah leur a donné une force dans leur intelligence, dans leur compréhension et dans leur mémorisation. Il leur a donné également une grande capacité d'exprimer ce qu'ils veulent dire. Et on le voit dans le sens que Allah a même révélé le Coran dans leur langue. Et il a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit un d'entre eux. Et donc il est plus apte à justement porter le message de l'islam. Donc il pouvait avoir à cause de ça ce mérite là sur les autres. Et il dit les Arabes ont cette capacité là plus que les autres de comprendre et de mémoriser et d'exprimer justement comme il faut qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc ça c'est une des particularités que les Arabes ont sur les autres, la mémorisation, la mémoire, l'intelligence, la compréhension. Et il dit le cheikh Al-Fawzan, il dit ça c'est très clair quand on lit leurs poèmes, quand tu lis le poème des Arabes, et quand tu lis leur discours et les choses qu'ils ont rapportées dans leurs écrits, dans leurs récits, eh bien tu vois ça dans la richesse de linguistique et la richesse littéraire des Arabes aussi, et tu le constates aussi dans la façon dont les Sahaba ont été capables de mémoriser les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans leur compréhension des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ce qui t'aide à comprendre facilement donc leur intelligence et leur compréhension, leur éloquence sur le plan du langage et comment la langue arabe est capable de résumer des grandes significations en peu de mots, et de s'exprimer de façon claire et précise et très concise en même temps. Il dit, si tu regardes dans les dictionnaires arabes, tu vas voir des choses étonnantes par rapport à ça. Comment cette langue, cette langue, elle a une complexité, puis elle a en même temps une profondeur, puis tous les exemples qu'on a mentionnés tout à l'heure, ça rentre dans ça aussi. Tu le trouves pas dans d'autres langues. C'est quelque chose qui est vraiment particulier à la langue arabe. Malheureusement, beaucoup d'Arabes aujourd'hui, ils ne connaissent plus leur langue. Ça aussi, c'est une question qui est triste. C'est pour ça que je parlais de Cheikh Abdurrahman Kouni, parce que quand je l'écoute, yani subhanallah, il explique tellement bien la langue arabe, tu vois qu'il a bien compris, yani, mashallah. Et d'autres aussi parmi les savants de la langue arabe, quand tu les entends parler de la langue arabe, c'est une autre chose, yani. Et puis, donc c'est ça. Plus tu vas mémoriser, tu vas lire les poèmes des Arabes, comment ils écrivaient, même avant l'islam, et tu lis les poèmes de la Jahiliya, tu dis, subhanallah, c'est surprenant leur façon de s'exprimer, leur façon de dire les choses. Et peut-être que tu dis, bon, je suis capable de comprendre l'arabe aujourd'hui, je suis capable de lire l'arabe, puis tu as peut-être un bon niveau en arabe, mais je te donne un poème de la Jahiliya, puis peut-être que la moitié tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui est écrit dedans. Parce que c'est un autre niveau. C'est un autre niveau de langue. Et c'est des façons de s'exprimer. Il y a tellement de subtilités que tu peux pas... Si tu n'as pas vraiment compris bien et appris bien la langue arabe, tu ne pourras pas comprendre qu'est-ce qui est dit dans ces affaires, dans ces poèmes-là. Donc c'est pour dire, yani, subhanallah, cette langue, elle est... Non, mais je parle, moi, par rapport à la langue arabe. Pourquoi ? C'est pas par rapport aux poèmes dans le sens est-ce que c'est important de les comprendre, mais les ulama de l'islam, pourquoi ils ont étudié et appris ces poèmes-là et pourquoi ils les ont enseignés? S'ils les ont enseignés, c'est pour faire en sorte que de préserver la langue arabe elle-même et de la comprendre. Même les savants de l'islam ont dit que les grands ulama de l'islam, quand ils voulaient connaître la langue arabe, où est-ce qu'ils allaient? Pour l'apprendre. Ils allaient dans le désert avec les bédouins pour justement apprendre l'arabe pur à sa source. Et quand ils voulaient vérifier la signification d'un mot chez les Arabes, eh bien, ils leur demandaient tel mot, qu'est-ce qu'il veut dire pour vous? Et eux, ils expliquaient, ils mentionnaient qu'est-ce que le mot voulait dire pour eux. Et c'est comme ça qu'ils écrivaient leur dictionnaire. La langue arabe aujourd'hui. Oui, non, mais on remet pas ça en question. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la mémorisation et l'intelligence à d'autres. On l'a déjà mentionné, le cheikh il a expliqué ça aussi. Juste avant que tu arrives, on parlait de ça. Mais c'est pour dire que ceux qui ont transmis les hadiths à l'imam al-Bukhari, les imams, les sahaba, la plupart d'entre eux, c'était des arabes. Donc, c'est ça. Et pas juste pour ça, c'est parce que dans leur culture et dans leur tradition, c'était tout basé sur la mémorisation, puisque c'est une tradition orale. Souvent les Arabes, comme la façon comme on mentionne même Abdullah ibn Abbas et d'autres parmi les Sahaba, ils entendaient un poème une fois. Et le poème, il pouvait avoir des centaines de vers. Ils l'entendaient une fois, puis ils l'avaient mémorisé au complet. Donc c'est ça aujourd'hui, je te dis, tu vas demander à n'importe qui de faire ça, personne n'est capable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette capacité-là, on n'a pas cette intelligence-là, cette mémorisation-là. Donc ça, c'est des choses que Allah donne à qui il veut, comme tu dis. Hein? Mais c'est, yani, le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc c'est normal. C'est la parole d'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc on ne peut pas comparer la parole d'Allah avec la parole des hommes. Et après, le cheikh, il explique ensuite que il dit ra'ayt al-ajab fa yajib 'ala ash-shu'ub an tadkhul fi al-islam. Donc il dit, il est obligatoire pour les peuples qui entrent en islam et qui ne sont pas arabes d'apprendre l'arabe, d'apprendre la langue arabe pour qu'ils puissent comprendre le Coran et la Sunna comme cela s'était produit chez les premiers musulmans, et non pas de traduire la signification du Coran et de la Sunna dans des langues étrangères comme c'est le cas aujourd'hui, parce que sinon ça va, hein, ça va être la fin de la langue arabe, hein. C'est comme si on va plus, les gens vont plus donner d'importance à la langue arabe par la suite. Et c'est pour ça, quand j'ai vu, il y a des frères maintenant sur internet, ils ont commencé à dire qu'ils veulent faire un projet, ils sont en train de ramasser je sais pas combien de milliers d'euros pour ramasser de l'argent pour traduire des gros ouvrages de l'islam en français. Yani, subhanallah, Sir A'lam al-Nubala, ils veulent traduire en français. Yani, il y a plus que 30 volumes. Ça, c'est pas des livres qu'on traduit. Traduire Tafsir al-Tabari ou yani, Tafsir. Yani, c'est, de traduire ces livres-là en français ou dans d'autres langues étrangères, c'est inutile et c'est une perte de temps. Au lieu de faire ça, utiliser tous ces milliers d'euros pour ouvrir des écoles et des centres pour enseigner l'arabe aux non-arabes. Ce sera encore plus bénéfique et plus important. Et sans oublier qu'en même temps aussi, ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de faire plein de traductions inutiles, parce que dans la traduction, comme vous le savez, il y a toujours possibilité de se tromper ou de se dévier dans la compréhension et dans l'interprétation des choses. Et ça, c'est un facteur. Pourquoi au début, quand les sahaba sont partis dans le monde et qu'ils ont commencé à prêcher l'islam, yani, subhanallah, tous ces peuples-là qui n'étaient pas arabes à la base, qui sont tous devenus arabophones, à force justement de voir l'exemple, de comprendre l'importance du Coran et de la Sunna pour vouloir l'étudier, pour vouloir l'apprendre. Aujourd'hui, tu vois des peuples de toutes les origines sur Terre qui font tous les efforts pour essayer de parler français ou de parler anglais. Ils vont dans des écoles pour apprendre l'anglais, ils vont aller envoyer leurs enfants apprendre l'anglais, et pourtant, c'est pas leur langue. C'est pas leur langue maternelle. C'est pas leur langue. Hein? L'anglais n'a rien à voir avec ni leur culture, ni leur histoire, ni leur rien. Mais pourquoi ils veulent l'apprendre, cette langue? Ils veulent l'apprendre parce que c'est quelque chose qui, ils pensent que s'ils l'apprennent et s'ils l'étudient, ça va leur donner un bon job, un bon travail, des diplômes, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui est plus important pour un musulman? Est-ce que c'est juste de penser à sa dunya, ou bien de connaître la langue qui va lui permettre de comprendre la parole de son Seigneur et les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam, pour justement faciliter un chemin pour lui pour aller au paradis? Ça, c'est beaucoup plus important que de parler français ou anglais ou italien ou chinois. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc c'est pour dire, Yanni, les gens par exemple qui sont pas arabes, ils doivent faire l'effort. Et c'est sûr que quand on traduit en français pour aider les gens au début, il y a pas de doute que ça, c'est important aussi, parce que les gens qui connaissent pas du tout l'arabe, ils ont quand même besoin d'apprendre un peu leur religion, au moins les bases, pour être capable d'avancer. Mais tu peux pas, à un moment donné, il y a une limite et tu dois dire bon, ça y est, à un certain niveau là, on peut plus avancer dans une autre langue que l'arabe. Il faut comme laisser les béquilles là, hein. À un moment donné, il faut que tu lâches tes béquilles, il faut que tu apprennes à marcher avec tes propres jambes. Et l'arabe, c'est pas si difficile que ça, Hein? Mais si on est sérieux et si on essaie de trouver des personnes qui connaissent bien la langue pour nous l'apprendre, eh bien, Inch'Allah, yani, ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Et de plus en plus, de toute façon, il y a des écoles qui commencent à s'ouvrir un peu partout. Les gens, ils commencent à voir l'importance, alors ils partent pour apprendre l'arabe, puis pour l'étudier. Puis, c'est sûr que ça demande des sacrifices et des efforts, mais ça vaut la peine. Après, quand tu l'as appris, quand tu commences à pouvoir lire et comprendre le Coran, les livres des ulama, après tu vois le bienfait qu'il y a dans ça et le yani, ni'ma, yani, subhanallah. Donc, c'est un rappel en même temps que le cheikh il nous fait par rapport à ça. Je pense que c'est important de tenir compte de cette remarque, surtout le point par rapport à la langue arabe, parce qu'il y a des gens qui parlent les langues européennes aujourd'hui, pourtant c'est pas la langue qui va les amener au paradis. En tout cas, on va s'arrêter à ce point-là pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته